Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs des régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. Amis golfeurs, votre marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez Marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. On va parler du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Martial Bouchard. Salut Martial. Bonjour Denis. Martial, évidemment, on en a parlé la semaine passée. Changement de nom, ça a été finalement approuvé. Oui, ça a été approuvé par les membres. Là, on est en train de faire les documents légaux là, pour donner action à ce que les membres ont voté en Assemblée générale, sous évidemment les recommandations du conseil d'administration. OK. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont posé des questions? Est-ce que ça s'est quand même bien passé là-dessus? Oh, oui, il y a eu beaucoup de questions. Il y avait plusieurs noms. Pourquoi pas Royal? Pourquoi Domaine? Pourquoi pas rester comme ça? Comment ça va coûter? Etc. Donc, on a répondu à toutes les questions des membres. Les membres sont sentir rassuré sur les orientations et les arguments, dans le fond, pourquoi qu'on voulait procéder à un changement de nom. OK. Donc, évidemment... Puis ça, c'est-tu bien long avec tout le niveau légal, au niveau que ça... Non, c'est pas long normalement. Là, on a fait la demande. Là, évidemment que c'est nos permanents là, qui s'occupent de tout ça. Moi, je participe pas nécessairement de près à l'élaboration, mais normalement, c'est des délais qui sont normaux. Là. Je croirais qu'on est capable de faire ça en dedans de 2 mois, à peu près. OK. Donc, on va suivre ça, évidemment. En fin de semaine, il y a le Saint-Prime d'Olbeau. Martial, je ne sais pas si tu es au courant, en passant. Oui, bien sûr. OK. Donc... Pour une deuxième année consécutive, je ne pourrais pas le jouer. Je n'ai pas joué au golf encore beaucoup. Ben oui, pour le... C'est l'opinion, cette ronde de golf. OK. Donc, comment tu as 4 rondes de golf de fin, là? Non, j'ai des une de fin. Et monsieur, c'est pas beaucoup. Il y a 2 tournois sociaux. OK. Non, mais ça donne pas comme ça. J'ai une blessure à un pied. Ouais, ben ça laisse. C'est sûr. Prendre mon envol. C'est sûr que ça l'a pas aidé. Déjà, donc, juste pour rappeler les gens, donc c'est comme on dit, c'est de le beau Saint-Prime. Normalement, c'est un tournoi mix. Donc c'est 40$ pour la journée. Donc c'est quand même pas cher. Puis ça, c'est un tournoi mix. Hein. Il n'y a pas vraiment de compétition là-dedans. Oui. Ben oui, il y a une compétition. C'est un 4 balles meilleure balle, finalement, équilibré. OK. Et oui, il y a une classe A, classe B. C'est quelque chose d'assez couru comme tournoi parce qu'il y a une compétition. Puis, écoute, ça permet aux équipes de ramasser quelques points puis de passer 2 journées ensemble. On sait qu'on est voisins, très proches voisins. Donc, ça permet de fraterniser en même temps. Donc, c'est une petite activité qui est très agréable. OK. Et il y a également la soirée des dames, normalement, qui se passe toujours. Ça a lieu, je pense que c'est le mardi que c'est ça, habituellement? Oui, je pense que c'est le mercredi. Le mercredi, oui. Au niveau des opérations, c'est ça. Je pense que c'est plus le mercredi. Mais oui, de toute façon, il y a de l'engouement, puis de plus en plus, c'est populaire. Les gens organisent des activités. Les femmes sont au rendez-vous et puis on est bien contents, bien heureux. OK. Puis il y a des golfeurs également qui se sont distingués en fin de semaine au Royal Saguenay, entre autres, il y a Jean Lamotte et plusieurs autres golfeurs. Dave Dumas également, c'est des noms qui reviennent souvent, oui. Ça. C'est ça, je veux dire, pour Jean Lamotte, on commence à être pas mal habitué. Ouais. Très régulier de son côté, il joue de l'excellent golf. Donc, il a commencé un petit peu avant nous autres. Par contre, il est allé faire un petit séjour en Floride avant la saison commence. Ouais. Et oui, évidemment, le circuit régional. On a toujours assez bien performé. On a toujours quelqu'un qui sort son épingle du jeu. OK. Ben, Martial, ça fait pas mal de tour pour cette semaine? Parfait. On s'en parle mardi prochain. On va dire à la prochaine. Ouais, on s'en parle mardi prochain. Donc voilà, c'était le président du club de golf de Saint-Prime, Marcel.